Est-ce qu'elle va avoir le cou long ou court, mince ou épais? Bon, elle va avoir le cou plutôt long et mince. Et la taille? Est-ce qu'elle va avoir la taille fine ou épaisse? Bon, elle a la taille fine. Et les doigts? Est-ce qu'elle va avoir les doigts courts et épais ou longs et fins? Elle a les doigts longs et fins. Et elle a aussi les jambes longues et fines. Le visage maintenant. Est-ce qu'elle va avoir le visage ovale, allongé, rond, carré, ovale? Bon, disons qu'elle va avoir le visage ovale. Est-ce qu'elle va avoir le cou long ou court? Le cou. Long ou court? Long ou court? Est-ce qu'elle va avoir le cou long ou court? Est-ce qu'elle va avoir le cou long ou court? Mince ou épais? Mince ou épais? Non. Elle va avoir le cou plutôt long et mince. Plutôt long et mince. Plutôt long et mince. Elle va avoir le cou plutôt long et mince. Elle va avoir le cou plutôt long et mince. Est-ce qu'elle a le cou épais et court? Non, elle a le cou long et mince. Et la taille? Est-ce qu'elle va avoir la taille fine ou épaisse? La taille fine ou épaisse? Fine ou épaisse? La taille fine ou épaisse? Est-ce qu'elle va avoir la taille fine ou épaisse? Elle a la taille fine. Elle a la taille fine. Est-ce qu'elle a la taille épaisse? Non. Elle a la taille fine. Et les doigts? Est-ce qu'elle va avoir les doigts courts et épais ou longs et fins? Elle a les doigts longs et fins. Longs et fins. Longs et fins. Les doigts longs et fins. Les doigts, les doigts. Les doigts longs et fins. Elle a les doigts longs et fins. Est-ce qu'elle a les doigts courts et épais? Non, elle a les doigts longs et fins. Et elle a aussi les jambes longues et fines. Longues et fines. Longues et fines. Elle a les jambes longues. Elle a les jambes longues. Elle a les jambes fines. Elle a les jambes fines. Elle a les jambes longues et fines. Est-ce qu'elle a les jambes courtes et épaisses? Non, elle a les jambes longues et fines. Et le visage? Est-ce qu'elle va avoir le visage ovale? Le visage, le visage. Le visage ovale, ovale. Est-ce qu'elle va avoir le visage ovale? Allongé? Rond? Carré? Bon, disons qu'elle va avoir le visage ovale. Elle va avoir le visage ovale. Est-ce qu'elle a le visage carré? Non, ovale. Elle a le visage ovale.